T'as peut-être du doc gynéco, mais t'auras pas CRS. Espèce donc Sarko. Ne votez pas Sarko, vous le regretterez. Si moi je votais Sego, c'est pas que je kiffe cette go. Mais je sais qu'il y aura pas d'ex-écho. Donc il faut à tout prix stopper Nico. Ne votez pas Sarko, vous le regretterez. Si moi je votais Sego, c'est pas que je kiffe cette go. Mais je sais qu'il y aura pas d'ex-écho. Donc il faut à tout prix stopper Nico. Il faut stopper Nico. Écoute, j'ai pas photo. S'il passe au pouvoir, je suis catégorique, c'est de la photo. Média, il fallait un candidat fictif dans l'immédiat. Avec ses go niveau voix, ils savaient qu'il y aurait nada. Mais ils ont oublié tous les anarchistes. Le problème, c'est que ces gens-là ne s'inscrivent pas sur les listes. Castor 6 est crié, je m'adresse à tous les électeurs. Nicolas a 5 fois plus la dalle qu'un Hannibal Lecter. Sache que dans les cités, y'a pas que des jeunes excités. Ce qu'il faut, c'est de la mixité. Lui a des mauvaises idées. S'il devient président, c'est la fin des habitants. Ne votez pas Sarko, non, ne soyez pas hésitants. Oubliez vos convictions, moi perso, c'est écolo, mais je sais que ça fera une voix en plus pour l'autre en coulo. Le monde est entre vos mains, réfléchissez. Sachez bien qu'après vous verrez le sang de vous rafraîchissez. Je m'adresse à toi, daron raciste. Oublie ta gueule de con sur terre, t'es pas le seul qui existe. Ta France déjà de la merde, dit Amadou avec les impôts. En vrai, ce qu'ils veulent voir, c'est Mamadou en mental dépôt. Ne votez pas Sarko, faut lui éclater la gueule avec un gros marteau. Ne votez pas Sarko, faut lui éclater la gueule avec un gros marteau. Pour qu'ils comprennent, qui sera jamais la reine. Si tous ceux qui écoutent ce morceau partent voter Ségolène, là c'est du bon. Mais pour l'instant je flippe. Si t'entends ce type, mec te flippe pas en ce type. Ne votez pas Sarko, vous le regretterez. Si moi je votais Sego, c'est pas que je kiffe cette go. Mais je sais qu'il y aura pas d'ex-écho. Donc il faut à tout prix stopper Nico. Ne votez pas Sarko, vous le regretterez. Si moi je votais Sego, c'est pas que je kiffe cette go. Mais je sais qu'il y aura pas d'ex-écho. Donc il faut à tout prix stopper Nico. On m'a volé mon scooter et j'ai réussi à arracher au criminel un poil de fesse. Et donc je voudrais savoir si vous pouviez me le retrouver. Voilà. Le pouvoir, cousin, ils vont ne pas le donner à tes chaînes. Pour un scooter de merde, ça cherche les données ADN. C'est l'inégalité, lui évidemment il sera gagnant. Un baratin pour un mélangeux, donc il est convaincant. Avec ta droite, toi, tu mérites des droits. T'as rien d'un homme d'honneur, on traite en à ta place. Difficulté, un mot pas dispo dans ton tico. Pour toi le problème vient des immigrés et des picots. Mais la terre, c'est l'univers, celle. Avec ta gueule au pouvoir, y'a pas d'atmosphère, celle. Écoute-moi bien, je parle au nom de l'avenir. Dans quelques jours, le verdict sera donné, je crains le pire. Ne votez pas Sarko, vous le regretterez. Si moi je votais Sego, c'est pas que je kiffe cette go. Mais je sais qu'il y aura pas d'ex-écho. Donc il faut à tout prix stopper Nico. Ne votez pas Sarko, vous le regretterez. Si moi je votais Sego, c'est pas que je kiffe cette go. Mais je sais qu'il y aura pas d'ex-écho. Donc il faut à tout prix stopper Nico. Ne votez pas Sarko, faut lui éclater la gueule avec un gros marteau. Ne votez pas Sarko, faut lui éclater la gueule avec un gros marteau. Si on n'a pas de papier, on n'a pas vocation à rester en France. Je crois, si les termes sont bons, que en fait, la délinquance venait justement des Noirs et des Arabes. Enfin, ce sont les mots que vous auriez dit. Si on n'a pas de papier, on n'a pas vocation à rester en France.